c'est un coup d'État civil ou c'est quoi? Si c'est un coup d'État civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'État. Nous n'avions pas besoin de le faire. Aujourd'hui, même si nous démissionnons, comme disent les Béninoises et Béninois, que les coups démissionnent, que les coups démissionnent, nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Nous ne pouvons pas créer un précédent dans ce pays. Et nous retrouvons à Cotonou l'envoyé spécial de RFI, Christophe Boisbouvier.